Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche. C'est lourd, ce machin. Je ne croyais pas que ce serait si lourd. Il n'est pourtant pas bien gros. Ou l'opposé. Oh, remords de remords. J'aurais dû réfléchir avant. La cuisine. Oh, ce que c'est lourd. Oh, remords de remords. La table est pleine des restes du déjeuner. Pas de place. Cette chaise devra faire l'affaire. Temporairement. Là. Ce n'est pas très solide, mais... Ce n'est que pour le temps de dégager la table. Ce que c'est? Tu le vois bien, c'est un aquarium. Et quand je lui aurai trouvé une place, je le remplirai d'eau et j'y mettrai des poissons. Mais non! Ces poissons-ci, ils ne sont pas pour manger, là. Ce sont des copains. Mais puisque je te le dis. Et d'ailleurs, pour éviter que tu sois tenté, je dépose le petit sac qui les contient dans l'aquarium, hors de portée. Et maintenant, rapatrions la vaisselle. Plouf? Comment ça, plouf? Mais d'où vient toute cette eau? Nom de Zeus! Une fuite! Vite, sauvez de l'inondation les produits nettoyants et les boîtes de conserve. Éponger. Il me faut quelque chose pour éponger. Des essuie-tout? Non, il y a déjà trop d'eau. Des guenilles? Il me faut des guenilles. Mais je n'ai pas de guenilles. Alors quoi? La literie? Nom de Zeus! Ce n'est plus une fuite, c'est un déluge! Plus qu'une chose à faire, appelez Mac. Picard, mon snoro, que je te vois pas rôder autour des poissons. D'ailleurs, pour avoir l'esprit tranquille, je t'emmène avec moi. Chiale autant que tu voudras, mon gars. T'es banni de la cuisine pour l'instant. Évidemment, c'est toujours dans des moments pareils qu'arrive la visite. Mon très cher monsieur... Désolé, témoin, pas le temps. État de crise. Qui peut t'aider? Vous y connaissez en plomberie? Non. Alors, vous pouvez pas m'aider. Sûrement, il te peut faire quelque chose, mon très cher monsieur. Ouais, oui, peut-être. Remords, Mac, où es-tu? Mon très cher monsieur? Oui, c'est bon, témoin, entrez. Quelle est cette crise, mon très cher monsieur? Inondation dans la cuisine. D'où j'ai-tu? Ah, vous l'avez dit? Peut-être que je me suis trompé de numéro. Que puis-je faire? Ma chambre. Pardon? Ramassez toute la literie sur mon lit et faites-en un barrage dans la cuisine. Il faut empêcher que l'eau se répande dans tout l'appartement. Ah oui, je comprends. Bonne idée. Et votre chambre, c'est... Par là. Pourtant, c'est bien le bon numéro. J'essaie de nouveau. Jésus! Une calamité! Remords de remords Dormant. Toujours pas de réponse. Mac! Et pour mal faire, il a oublié de brancher son répondeur. Ah, il va falloir gérer ça plus tard. En attendant, allons voir comment se débrouille mon témoin. C'était Storm de Christian Martin, interprété par le Newport Orchestra. Merci, témoin. On a vidé ma garde-robe, mais avec votre aide, nous avons contenu le déluge, pour le moment. Je suis très heureux d'avoir pu vous rendre service, mon très cher monsieur. Quoique, je n'aurais jamais cru vous venir en aide en étendant ainsi tous vos vêtements sur le plancher. Ça fait un peu désordre, mais ça semble efficace. Nom de Zeus, qu'est-ce qui se passe encore? Après le déluge, les démons de l'enfer! De toute évidence, ils s'impatientent, vos démons. Ils vont défoncer la porte si je ne veux pas ouvrir. Je vous accompagne. Les démons, c'est ma spécialité. Boss, Wayne Morhan! Qu'est-ce que tu fais? T'as oublié de fermer le bain? On a de l'eau jusqu'à 10 litres! Ah, mais là, pépère, ça se peut pas, là. Je veux bien croire que les murs sont minces, mais... Tu penses peut-être que je fais des farces, Morhan? Hey, j'ai-tu de l'air de bonne humeur, moi, là? Non, pour ça... Non, je suis pas de bonne humeur! Du calme, mon cher monsieur, du calme! Hey, toi, petit casse, mets-toi pas de ça! Wow, pépère, ça va faire, là. Je comprends que vous soyez pas content, mais c'est pas une raison pour arracher la tête de tout le monde. Je suis désolé s'il y a de l'eau dans votre chambre, mais j'ai pas oublié de fermer le bain, ni le lavabo, ni... Ah, qu'est-ce qui se passe, d'abord? Une fuite. Une fuite? Oui, oui, une fuite. Sous l'évier de la cuisine. Ben reste pas là, Morhan! Fais quelque chose! Quoi? Ben, je sais pas, moi! Répare-la! Comment? Avec quoi? Un tissu, moi! Non, ça a pas de l'air. Moi non plus, d'ailleurs. As-tu essayé d'appeler ton chum, là? T'sais, l'anglais, là? Yep. Et? Il est pas là. Boswell! As-tu essayé le propriétaire? Non. Ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Ben, Morhan, qu'est-ce que t'attends? Appelle, appelle! Papère, vous le connaissez, le propriétaire? Avant d'appeler un plombier, il va vouloir se rendre compte lui-même des dégâts. Et comme il habite à 300 km d'ici, le temps qu'il arrive, on aura tous coulé comme le Titanic. Ouais, c'est bien vrai. Ben, je vois plus rien qu'une chose que tu peux faire, mon Ren. Rien qu'une. Laquelle? Appelle les plombiers. Êtes-vous tombé sur la tête, pépère? Savez-vous combien ça coûte, un plombier? Je vais le payer avec quoi, moi? Avec l'argent que tu fais dans ton nouvel job, mon Ren. Tu dois bien te payer pour vendre tes livres. Je travaille plus à la librairie. Hein? Depuis quand? Ah, depuis un petit moment, déjà. Qu'est-ce que tu fais avec tes journées, d'abord? Je suis retourné au journal. Couige, monsieur Courtemèche? Vous avez repris votre chronique ridicule? Ah, bonjour aussi à vous, madame Coudon. C'est bien beau tout ça, mon Ren, mais ça arrange pas nos affaires. Qu'est-ce que tu vas faire? Réessayer de rejoindre Mac. Qu'est-ce que vous voulez? Que se passe-t-il? Une inondation? Non. Un raz-de-marée? Vous ne me dites pas. Un déluge! Oh mon dieu! Un Boswell de dégâts d'eau dans sa cuisine, Boswell de Boswell! Ah bon? C'est tout? Non, c'est pas tout! Ça a commencé à couler chez nous, Boswell de Boswell! Vous n'avez pas songé à appeler un plombier? Bien sûr que si, ma bien chère dame! Mais il semblerait que notre cher monsieur manque des liquidités nécessaires pour... J'ai tout compris! Ce qu'il nous faut, c'est une grande levée de fonds! Comptez sur moi, je m'en charge! Une levée de fonds! Boswell de Boswell! Je m'y connais peu, mais cela ne risque-t-il pas de demander beaucoup de temps? Madame, t'as qu'à faire, il serait quasiment mieux d'appeler le propriétaire! Puis? Toujours pas de réponse. Boswell! Où est passé, madame Coudon? Partie vous organiser une levée de fonds, mon très cher monsieur. Quoi? Elle a le cœur sur la main, cette bonne dame. Elle va raconter à tout le monde que je suis faugé. Et alors? Ce n'est pas vrai? Ah si! Mais je tiens pas particulièrement à ce que toute la ville l'apprenne, remords de remords. Salut, la compagnie! Comment allez-vous? Moi, j'ai une pêche d'enfer! Alors, mon polo, tu as organisé un petit party? Tu ne m'avais pas invité? C'est vilain, ça! Où sont les chips? Dans la cuisine. Il y a des chips? Je soupçonne notre très cher monsieur de badiner. Tiens, j'ai trouvé les chips. Je pensais que t'en avais pas de chips! Mon polo, ça me fait de la peine de te dire ça, mais quelqu'un a ruiné ta cuisine! Non! Si! Et plus grave encore, il s'est sauvé avec les chips! Boswell! J'aurais aimé ça des chips, moi! Allez, cesse de niaiser et raconte! Simple. Fuite sous l'évier, de l'eau partout dans la cuisine. Avec les témoins ici présents, utilisation de la literie et du contenu de mon garde-robe pour tâcher de minimiser les dommages. Bien sûr, tu as téléphoné au plombier. Non. Mais pourquoi pas? Pas d'argent. Le proprio? Trop loin. Mac? Pas là. Et que vas-tu faire? Déménager. Où ça? Dans la niche du chien du voisin. Ha! Farceur, va! Blague-t-il? Il me semble trop sérieux pour blaguer. Boswell Morhan, c'est des farces, hein? Non. Pas si je dois payer un plombier pour la fuite et des menuisiers pour les éventuels dégâts laissés par l'eau dans ma cuisine et dans votre chambre, pépère. La niche du chien du voisin, c'est à peu près tout ce que j'aurais les moyens de me payer. À tous les pop notre chambre, mon jeune, maman est occupée. J'arriverai bien à me faire rembourser par le propriétaire ou mes assurances. Oh, mon jeune, j'ai la solution. Appelle tes assurances. Je crains que... Ne me dis pas que... Pense, ouais, mon jeune. T'es pas assuré? Non. Malheureusement, pas les moyens. Quand ça va mal... J'ai quand même une idée pour te venir en aide. Laquelle? Utiliser les ondes de la radio pour demander à Mac de te contacter immédiatement. Tu feras ça pour moi? Bien sûr! Et ça ne te coûtera pas un rond. Merci, mon vieux. Y'a pas de quoi. Allez, j'y vais. Bon, ben, c'est pas toi de ça, mon jeune. En attendant que t'arranges tes affaires, je pense que je vais aller faire comme toi. C'est-à-dire? Je vais prendre mon linge, puis je vais te pitcher à terre. Puis-je vous aider, mon très cher monsieur? Je suis passé maître dans l'art d'étendre les vêtements sur le sol. Ben, si tu veux venir, mon petit casse, je dirais pas non. Hein? Je vais essayer encore une fois de rappeler Mike. Hey, salut, mon vieil! J'étais passé dans le coin et... Help! Qu'est-ce que c'est qui arrive? Viens. Oh my God! Qu'est-ce que c'est qui s'est passé ici? Un rat de marin? Presque! Gros tuit sous les vieux! Yeah, I see! Tu pourrais réparer? Sure! Je vais chercher ma coffre à outils dans mon char et puis je t'arrange ça. Oh. Merci, Mike. Sure, no problemo. Your didn't come. C'était Gaël, interprétant In the Afternoon de Pierre Jadalacroix et Christian Martin. OK! T'es tout arrangé, puis tout ramassé, puis tout séché. Il reste juste à aller sécher la pépère à côté. Merci infiniment, Mike. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Pas de trouble! Et salut, là, mon vieil! Salut, Mike. Et, merci encore, là. Pas de trouble! Picard! Nom de Zeus! Fais pas l'innocent. Je sais que c'est toi qui as jeté l'aquarium par terre. Oh, mon petit sacré pas. T'as même trouvé le moyen de bouffer les poissons! Les Éditions de l'Avenir vous ont présenté le PC Show avec Paul Courtemèche. Vos interprètes, Carole Bassani dans le rôle de Madame Coudon, Gabriel Jean dans les rôles de Mac, de Pépère et de l'Annonceur, et Christian Martin dans les rôles de Paul Courtemèche et du Témoin. Le texte et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Non-Derivatives et est une production 2013 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.